Léger système, le service ils n'ont rien. Et maintenant qui chie au tout bas. Et l'État fils, KM Service, Alain Djaba. Les loyaux, l'obinga, na yo, tati, kanana, kokate. Na sengi, na yo, kakabo, limisi, yo, limisanga. Neke, ale, makate, kopi, mwana, mapapu, zambe, apesaye. Makanaki de Lucerne, Makaro, la première dame d'Anvers. Ale, wawa, na yo, tati, kanana, kokate. Na sengi, na yo, kakabo, limisi, yo, limisanga. Neke, ale, makate. Je vais encore Max Max de gaz Si monte manana ko peki sate elika yo. Mano spaghetti mais rêve Paulina Mondeke Florent Kiesse. Jamais un jour le ciel ne tombera. Obato baswana kina bolingo basonga ni jili lume. Non non non, même si tu ne veux plus me voir. La cosa la yo soto puta nana yo. Dita mama. Même si tu ne veux plus danser. Saïko te fera toujours danser. Moi c'est Yengi, Michel Bio.